Alors, sur les questions de valeur de la vidéo, de manière de filmer en vidéo le spectacle vivant, les actions artistiques, etc., c'est important peut-être là maintenant du coup qu'on passe à la question à l'exposé de l'article et de tout ce qui l'entoure. Cet article important que tu as publié en 1979 dans une revue québécoise qu'on va peut-être distribuer. La revue Jeu, et vous allez en avoir une copie peut-être après, pardon. Je croyais que c'était au début. Voilà, puisqu'effectivement, la place de la vidéo dans la captation, je ne sais jamais très bien comment dire, du spectacle scénique, enfin de la représentation, de la présentation, c'est quelque chose qui t'a intéressé, même sur quoi tu as eu exprimé un point de vue tout à fait radical et qui, je pense, mérite d'être lu. Je vous conseille, au-delà de l'exposé de l'article, vraiment de découvrir cet article tout à l'heure quand vous l'aurez entre les mains. Tu veux qu'on parle, qu'on dise de quoi il s'agit? Peut-être dans quel contexte aussi tu l'as écrit d'abord. Ok, alors comme je disais tout à l'heure, donc moi à l'époque j'étais en thèse avec Bernard Dort et je travaillais justement sur ce que j'avais appelé le théâtre corporel, parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui connaissent le théâtre. Le théâtre, les pratiques corporelles du théâtre étaient devenues très très importantes dans les années 60. Et c'était un mouvement qui nous avait fascinés d'ailleurs, Maria et moi. Et moi j'avais beaucoup travaillé dessus parce que j'étais devenue aussi responsable des avant-gardes internationales dans cette revue, la revue Féatro en Grèce, où j'ai commencé à écrire à partir de 73. Et où j'ai écrit de nombreux articles. Là, il y a un article sur le théâtre politique du Festival de Nancy. J'ai fait un très très long compte-rendu qui s'est étalé sur 5 numéros du Festival de Nancy de 73, auquel nous avions été invités, qui était donc organisé par Jacques Lang et qui était à l'époque quelque chose, un événement, mais absolument extraordinaire. Alors, et c'est là que, justement, nous avons eu l'occasion de voir des choses extraordinaires faites à l'époque en théâtre, d'où cette collaboration et cette préoccupation d'une analyse donc du théâtre dans cette revue. Alors, quand je m'inscris en thèse, je participe au séminaire de Bernard Dort, mais je suis très intéressée aussi par le séminaire de Denis Bablet, qui publiait à l'époque les voies de la création théâtrale, qui était une publication sans précédent en matière de théâtrologie. Donc j'étais très impressionnée par tout ce travail et je participais à son séminaire. Cette année-là, le thème du séminaire, c'était l'enregistrement vidéo des spectacles de théâtre. Parce que la vidéo avait commencé à entrer dans la recherche théâtrologique, qui depuis longtemps cherchait des outils pour enregistrer les spectacles, pour les annoter en quelque sorte, et en tous les cas, pour créer des objets qui pourraient servir aux chercheurs après. De fixer en quelque sorte tout cet éphémère. Et ce séminaire en particulier, dans ce séminaire, cette année-là, on étudiait, c'était une équipe du CNRS, et on étudiait la vidéo réalisée sur la classe morte de Tadeusz Kantor. J'espère que certaines personnes l'ont vu en vrai, mais je ne sais pas, vous êtes peut-être trop jeunes. Certains nombres sont trop jeunes pour l'avoir vu. C'était passé à Nancy, oui. Comment ? Et c'était passé à Nancy, au Festival de Nancy. Et ensuite c'était passé au Festival d'automne à Paris. Voilà, et c'était quelque chose de bouleversant. Alors, nous, Maria et moi, on avait vu le spectacle, on était absolument atterrés, c'était vraiment un très grand moment de théâtre. Et ensuite, donc, dans le séminaire, je vois la vidéo qui était réalisée. Et là, c'était une déception terrible, parce que, ah là là, c'était très problématique, vraiment très problématique. Et surtout, c'était accompagné d'un discours qu'on enregistre de manière objective, que l'opérateur n'intervient pas, ne fait pas œuvre personnelle, comme ça, une sorte de modestie de l'opérateur qui enregistre de façon scientifique, etc. Et en même temps, c'était clair que parmi les gens dans l'auditoire qui n'avaient pas vu la classe morte et qui la découvraient par la vidéo, ça n'allait pas du tout, ça ne marchait pas. Ils ne voyaient pas pourquoi on faisait comme ça, pourquoi on était aussi enthousiastes. Et les autres qui l'avaient vu étaient tous déçus. Donc je me suis dit, bon, il faut quand même analyser la chose. Il est vrai que Denis Babelais était très, très, très enthousiaste par cette vidéo. Et il y a eu une série d'exposés sur la question, et puis moi aussi j'ai fait un exposé, j'ai dit, bon, il faut que j'étudie la chose, parce que c'était très tentant tout ça, voir, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne colle pas, il faut un peu regarder de plus près. Et donc j'ai fait mon exposé, vous allez la voir, qui était très critique, mais qui était en même temps très systématique, hein, et à la fin de l'exposé, Denis Babelais est venu me voir, il m'a dit, votre présence n'est plus souhaitée dans ce séminaire. Bien. Et en même temps, quelqu'un d'autre s'est approché de moi, il s'est avéré qu'il... David, je ne me souviens plus de son nom, c'était le rédacteur en chef de jeu, et il m'a dit, c'était formidable, je le publie. Et donc comme ça, je ne suis plus retournée au séminaire de Denis Babelais, et l'article a été publié dans Jeu. Donc voilà. C'est vrai, c'était une analyse de la vidéo et des limites de la vidéo, des limites auxquelles, il faut dire, on avait quand même pas mal réfléchi avec Maria à l'époque, parce que quand nous arrivons sur la scène, comme ça, à Paris, la vidéo est très importante. Et donc, nous, on fait quand même le choix du Super 8. Et il y a, à l'époque, une sorte de scission entre donc, les gens qui sont les fervents de la vidéo, qui sont en général plus... Je ne sais pas si c'est... qui viennent souvent de mouvements politiques. C'est-à-dire, le côté politique est important, mais il y a aussi le côté artistique. Beaucoup de gens qui se mettent à chercher sans aucun contact avec les cinéastes. Ça, c'était assez étonnant. Et du coup, nous, on choisit le film parce que, évidemment, le Super 8, sur le plan de la qualité de l'image, était incomparable. Et nous, on était des plasticiennes. Il fallait absolument qu'on ait une image telle qu'on la voulait. Donc, il fallait des contrastes, il fallait des vrais noirs, il fallait des vrais rouges et des vrais blancs. Et une grande taille de projection, enfin aussi grande que le Super 8 pouvait nous offrir, mais grande quand même. Donc, on choisit le Super 8. En même temps, on suivait de tout près quand même le travail des artistes corporels et on voyait les constats. Et on était déjà assez critique par rapport à ces constats. C'est-à-dire critique dans quoi ? Dans la relation entre l'action corporelle, ce qu'eux, ils faisaient, les artistes, et ce qui restait dans ces constats. Parce qu'il faut dire que tant Gina Pal que Michel Journiac avaient une présence extraordinaire sur place, c'était ça jetait, comme on dit, donc une présence très intense, très concentrée, très, très dramatique. Et ensuite, on voyait les vidéos, et puis il n'y avait rien, quoi. Enfin... Pardon, presque rien. Beaucoup de choses se perdaient. Mais ça, il n'y avait pas. Ça, il n'y avait pas. Qui était, en fait, le centre de la chose. Voilà. Donc, et on discutait beaucoup, beaucoup avec Maria sur tout ça. Voilà pourquoi ces vidéos. On avait essayé de discuter avec eux. Mais Michel et Gina ne voulaient pas en parler. Et Michel ne s'y intéressait pas vraiment, c'est-à-dire il considérait qu'il y avait un constat, qu'il était là, ça suffisait. Lui, son travail, c'était ce qu'il faisait avec son corps, sur place, et évidemment tout son immense travail conceptuel. Et nous, par contre, on était quand même des cinéastes. en face. Donc on raisonnait en matière de puissance d'image. Voilà. Et tout ça, ça a donné cette analyse de la classe morte. Parce que effectivement, là, tu as abordé la question de l'insatisfaction par rapport à la qualité de la vidéo. Je dirais que c'est une critique qui était assez répandue de la vidéo par les gens de cinéma. Mais il y a dans l'article aussi des choses qui sont, me semble, beaucoup plus affûtées en matière de critique aussi et plus singulière dans la critique de la vidéo, dans la critique effectivement des questions de point de vue, des contraintes propres au médium qui sont des analyses, enfin qui constituent effectivement l'analyse systématique que tu disais. Oui. Peut-être qu'on peut, oui, parce que les personnes ne savent pas de quoi exactement on parle. Moi, j'ai un peu. Parce que ça vaut la peine. Moi, je trouve effectivement que c'est très clair la manière dont tu amènes les choses en disant que l'avantage apparent de la vidéo est de capter la continuité de l'action scénique, mais qu'en fait, cet avantage est contredit par des limitations importantes au niveau de la qualité de l'image, notamment, et tu précises bien, des limitations qui portent sur les dimensions de l'écran, la définition, la profondeur de champ, on en parle bien trop rarement, et la couleur, en l'occurrence l'absence de couleur. Et tu développes ça, enfin, ça fait partie de tout un ensemble de ta démonstration, mais je trouve que c'est extrêmement éloquent. Mais la question de la bidimensionnalité de l'image vidéo, effectivement, est au centre de cet article, c'est quelque chose effectivement de plus rarement entendu que les questions de qualité ou de noir et blanc. Or, effectivement, tu me disais aussi que les gens de théâtre autour de Denis Babelais, finalement, enfin, par exemple, Johnny Epstein qui a écrit un article sur le magnétoscope et la scène dans les voies de la création théâtrale, mettre l'accent tout particulièrement sur les problèmes posés par le noir et blanc. À partir du moment où arrive le trois quarts de pouce couleur, ils considèrent qu'une bonne partie des problèmes sont résolus. Or, finalement, certains problèmes que tu signales, de ton point de vue, sont extrêmement problématiques, restent, eux, entiers. Oui. Et c'est le point qui oui, mais je pense que cet article n'a été lu par personne qui était impliqué dans la vidéo à l'époque. Parce que vous voyez, ça c'est un article fait par une personne qui le fait dans le cadre d'études théâtrales. C'est publié au Canada. Et puis cette personne, en l'occurrence moi, est connue pour autre chose. Et donc ça n'a jamais ça n'a pas vraiment circulé. Alors la conclusion, c'est de dire finalement que la vidéo ne peut suffire à elle-même à... Tu me dément, si je dis, mais elle ne peut suffire à documenter totalement le spectacle, mais que finalement c'est un moyen parmi d'autres de le documenter à côté d'autres médiums. Oui, mais je crois aussi que c'est une question de langage. D'options de langage, d'options d'écriture. Parce que je pense que le grand handicap dans cette affaire, c'était cette illusion totale qu'une écriture objective, entre guillemets, neutre, pouvait exister et pouvait enregistrer quelque chose qui travaille sur les températures comme le spectacle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par n'importe quel médium, que ce soit la vidéo, que ce soit le film, qui en l'occurrence aurait été plus évidemment plus adapté, plus flexible, mais même en vidéo, je pense que si quelqu'un arrivait et disait voilà, je veux faire une vidéo sur la classe morte, mais vous oubliez tout ça, je ne vais pas être objectif du tout, mais je vais en revanche créer quelque chose à partir de cette classe morte et qui va réussir à vous communiquer l'émotion, la structure, enfin toutes ces choses qui étaient là dans la classe morte. Je pense que quelqu'un pourrait y arriver, même avec la vidéo. Je suis justement à cet égard très admirative de ce que tu proposes à la fin. Je trouve que c'est très intéressant. Quand tu suggères que finalement, il aurait été, serait peut-être plus adéquat de travailler à une vision multi-écranique, où chaque écran fonctionnerait, dis-tu, comme une unité, à condition que les prises de vue soient fixes ou conformes aux structures du développement du spectacle. Et ce dispositif permettrait finalement de rendre compte de la complexité, dis-tu, du spectacle, qui serait en quelque sorte restituée par analogie. Là, c'est une vraie. Alors, transposition, transcription, on parle comme de transcription, évidemment, qui est une révision, mais je trouve ça extrêmement intéressant, parce que là, du coup, tu proposes quand même une transcription qui jouerait malgré tout sur la spécificité, pour le coup, du médium vidéo. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que, franchement, je pense que ça aurait même été possible, même sans plusieurs écrans. Mais à condition de travailler là-dessus, sur l'énergie du spectacle, sur ce qui l'émanait, de réfléchir à ça, et puis sur sa structure, parce que c'était quand même un spectacle excessivement, parfaitement structuré, d'une parfaite, limpide structure. Donc tu ne peux pas ignorer ça quand tu veux créer une sorte de parallèle qui va communiquer ce qui était le spectacle, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de capter simplement l'aspect extérieur de quelque chose, mais de voir comment il est possible de recommuniquer son aspect intérieur. Moi, ma question, c'est, à l'époque, est-ce qu'on avait déjà commencé à se poser la question sur les spectacles de danse? Parce que c'est une chose qui va se poser dans les années 80, au moment vraiment où, précisément, il s'agit bien de filmer l'énergie et pas simplement le tracé du mouvement. Mais je n'ai pas le souvenir que dans les années, fin des années 70, la question se soit déjà posée, mais peut-être ce l'était. Il y avait des œuvres très intéressantes en cinéma expérimental, sur la danse, justement. Des choses extraordinaires. Des manières, justement, des artistes qui réfléchissaient à ça. Comment il est possible de faire passer. À travers ce médium, quand même, qui est une caméra, un montage, etc. Dans la lignée de Maya Deren. Oui, dans la lignée de Maya Deren, ou même pas. Et après, quand il y a eu quand même les synthétiseurs vidéo, il y a des artistes expérimentaux qui se sont essayés à filmer la danse, justement. C'est plus tard. Comment ? C'est déjà les années 80. Voilà, c'est ça. C'est non, années. Les synthétiseurs vidéo, les c'était années avant. 70, les synthétiseurs vidéo, c'était avant quand même. Hein. C'était années 70. Tout fin des années 70. Non, les premiers synthétiseurs, c'est avant. Parce que la question, c'est parce que c'est le même problème. Parce que dès qu'on veut filmer l'énergie qu'il y a dans Krotowski ou l'énergie qu'il peut y avoir dans Cantor, on se pose la question d'un déplacement tout à fait autrement que d'avoir une position très ethnographique. Exactement. La question devient très différente. Exactement. C'est très bien ce que vous dites, parce que la question se posait aussi en ethnographie. Mm-hmm. Comment on fait un document sur une danse rituelle, par exemple. Exact. Comment on le fait? Un point aussi, une chose que tu pointes dans la pratique de la vidéo, par exemple, pour filmer la classe morte, c'est une sorte de rapport spontané, tu parles de spontanéité, je crois, de l'opérateur face à ce qui se produit sur scène. Ça rejoint ce que tu disais là, c'est-à-dire le fait que finalement, il t'apparaît un grand décalage entre une mise en scène extrêmement construite, concertée, pensée, et puis finalement un regard face à ça qui s'exerce à travers des zooms, à travers des points d'insistance. Qui à cette époque-là, la captation des spectacles a bien évolué par la suite, mais à cette époque-là, et sur le cas que tu étudies, en tout cas, s'exerce de façon spontanée et assez réactive dans l'instant. Oui, tout à fait. Ceci dit, encore une fois, en cinéma, il y avait de formidables déjà captations de spectacles. Mm-hmm. Je me souviens de ce très beau The Brig de Jonas Mekas, qui était The Brig, c'était un spectacle du Living Theatre, et le film est excellent, il est vraiment excellent, formidable, quoi. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi quand même, parce que Maria et moi avions quand même aussi une culture cinématographique et une culture de cinéma expérimental. Donc on savait ce qui était possible malgré tout de faire à partir d'un spectacle et qui n'était pas possible avec cette attitude, pas forcément avec ce médium. Le médium était handicapant à un certain degré, mais avec l'attitude. Oui, le film dont vous parlez est passé l'année dernière, en fait. Oui. Ici. En fait, c'est une femme qui l'a filmé. C'est pas... Non. C'est celui de Michael. Pas celui-là. Mais le premier spectacle du Living a été filmé, en fait, en 60. Il devait y avoir d'autres films faits dessus. J'ai passé à Pompidou, d'ailleurs. Enfin, oui. Il est parti. Là. D'accord. Okay. Alors, on aurait bien aimé retrouver, ça aurait été intéressant pour examiner la question, hein, de trouver l'enregistrement vidéo fait de la classe morte ou celui des bonnes de Genet qui est... Ça, je n'ai pas vu. Hein, qui est commenté. Toi, tu ne l'as pas vu, effectivement, mais qui est effectivement la captation au sujet de laquelle un article a été écrit dans les Voies de la création théâtrale et tout ça pour remise en contexte. Malheureusement, alors, pour ce qui est des bonnes, je vraiment aucune trace. Et puis, j'ai regardé... pour ce qui est de la classe morte de Tadeusz Kantor, Denis Babelais a réalisé un film plus tard sur ce sujet, mais ce documentaire me semble être, sauf erreur de ma part, constitué d'images tournées plus tardivement et tournées en film. Donc là, pour l'instant, on reste aussi à parler d'images effectivement qu'on n'a pas vues. Enfin, nous, en tout cas, que toi, tu as vu. Et peut-être certains dans la salle, je ne sais pas. Mais je me souviens aussi, à l'époque, à peu près dans ces années-là, il y avait un festival, enfin, une programmation de films sur le spectacle, sur le théâtre. Et je ne sais plus si c'était dans le cadre du festival d'automne, dans lequel on avait vu plusieurs films. Mais c'était surtout des films, 16 mm pour la plupart. Et je me souviens aussi d'un autre très beau film, noir et blanc, sur le balcon, monté par Garcia. Excellent. Donc, je veux dire qu'on avait d'un côté des choses vraiment excellentes, et de l'autre côté, on avait cette espèce de balbutiement qui ne tenait pas du tout la route, quoi. Je me demande s'il y a des réactions justement aussi dans la salle de personnes qui ont été des... L'archive du balcon, en fait, on peut la voir, elle est à l'IMEC, en fait. Et ils ont conservé le film, c'est visible là. Oui. Oui, pour revenir au film qu'on a vu, qui m'a vraiment beaucoup touché, je me demande quel impact ça a eu. Vous l'avez diffusé Le film ? Oui, la torture. Non, peu pour l'instant. Mais il est actuellement en distribution au Centre Simone de Beauvoir. Parce que, si vous voulez, on l'a fait en 2012 et on l'a montré en Grèce une fois, au musée Benaki, chez vous, et puis je ne sais plus où on l'a montré après, je ne me souviens plus. Mais là, actuellement, il est en distribution au Centre Simone de Beauvoir, donc j'espère qu'il va commencer à circuler un peu plus. Parce que donc ça, c'est un montage à partir de ce que vous aviez fait lors des deux journées. Mais les images que vous avez tournées lors des deux journées, vous les avez gardées pour vous, pour archives, justement ou... Ils sont chez... elles sont à la BNF. Oui, non, mais à l'époque, effectivement... Les roches. Enfin, à l'époque, ça n'a pas du tout été vu. Ah, non, ça n'a pas été vu. Du tout. Jamais donc, montré. C'est 2012, le premier public. Oui, c'est la résurrection en 2012, c'est tout. Ouais. Et d'ailleurs, j'y pensais déjà tout à l'heure, mais ce que je trouve assez frappant par rapport à ces images-là, c'est vous limitiez l'intervention artistique dans le montage. Et pour moi, il y a aussi une vraie démarche d'artiste d'avoir, je sais que c'est vraiment frappant concernant sur votre fond, d'avoir conservé ces images tout ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y a autant la volonté de l'avoir remonté tel que, mais aussi d'avoir rendu possible qu'ils soient préservés, après les avoir conservés aussi longtemps. Et quelque part, je pense qu'il y a aussi une certaine démarche artistique ou un rapport à la pensée de la trace, etc., qui subsiste dans le fait de conserver cette cassette, bien que, si j'ai compris, vous n'avez plus accès, vous l'aviez coupé plus. On ne pouvait pas la visionner, on ne savait pas ce qu'elle contenait du tout. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, mais elle était bien très et bien rangée. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas sur les vidéos de demi-pouce, que ce soit qui entrent dans les collections, que ce soit aussi clairement identifié. Oui, mais je pense que ça fait partie de notre personnalité, de notre démarche, je ne sais pas, archiviste. Nous gardons, nous aimons les traces, et nous gardons les traces et nous aimons aussi retravailler les traces et tout ça. Donc c'est important parce que, vous savez, comme la plupart de notre travail, dans une mesure plus ou moins grande, ce sont quand même des œuvres éphémères. Les films Super 8 par exemple, vous allez me dire là vous avez un support qui est quand même il existe un objet quoi. C'est pas vrai parce que s'ils sont pas restaurés ils n'existeront pas après nous, donc si vous voulez nous avions tout le long à traiter de l'éphémère de notre travail et en même temps un travail avec lequel on a toujours eu une relation très forte parce que tous ces films c'est notre vie hein, c'est nous, c'est très important. D'ailleurs, nous avons une mémoire, toutes les deux, absolument parfaite, exactement à quelle date on a fait quoi et où. Et donc, la démarche d'essayer de garder la trace, l'enregistrement, etc., nous a accompagnés tout le long, vraiment. Donc, avec ce qui était nos moyens. Au début, c'était des photos, des spectacles, vous avez vu. Ensuite, les enregistrements, audio, beaucoup d'audio. Et puis, la suite, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas... Un problème qu'on s'était posé quand on a fait cette action, nous, à l'époque, on avait fait aussi Double Labyrinthe, donc un film Super 8. Et on a dit, bon, ça serait formidable si on pouvait le documenter en Super 8. Mais là, le Super 8, si un Super 8 était fait sur cette action, c'était nous qui devions le faire, personne d'autre. Et nous, on ne pouvait pas le faire parce qu'on était impliqués dans les actions. Et donc, la deuxième option, c'était la vidéo. Et puis, ça nous plaisait quand même, la vidéo, avec ce côté, justement, rudimentaire, le noir et blanc, ça nous plaisait pour ce projet. C'était adéquat. Voilà. Et puis, la vidéo, peut-être aussi. Changer les bobines. Oui. Oui. Et puis quand même, malgré tout, j'ai l'impression que la vidéo était capable de capter des images en luminosité plus faible que le Super 8. Parce qu'avec le Super 8, on tenait quand même à une seule émulsion, hein, le fameux Kodachrome 40. On ne voulait pas filmer en Ektachrome parce que c'était affreux, hein, c'était très mauvais. Et donc le Kodachrome 40 avait besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière.